Le vice-président du Parti des socialistes libéraux d'Égypte, Yahya Zakaria Haïloulin, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, Irina Malenko, présidente du comité préparatoire irlandais pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, Iraklis Tsavoudalidis, secrétaire exécutif du Conseil de la paix du monde, Cosima Veboliu, directeur exécutif du programme pour la vulgarisation de l'enseignement sur l'environnement, et Uwe Kreuter, directeur de la compagnie Asia World Network de l'Allemagne, sont arrivés le discourant à Pyongyang par avion pour participer au 5e festival international en l'honneur des grands hommes Pectosan.